Le hussard sur le toit, de Jean Giono. Dixième épisode. Un orage violent et une recrudescence de l'épidémie décime les rescapés de Manosque, parmi lesquels Angelo a retrouvé son frère de lait Giuseppe, carbonaro comme lui. Maintenant, le choléra marchait comme un lion à travers villes et bois. Il te faut partir d'ici. Toi aussi. Ici, tu as peur et pourtant, je connais ton courage. Il faut donc que tu aies une raison péremptoire. Et cette raison, c'est que tu as simplement peur d'une mort inutile. C'est la pure vérité. Mais ces ouvriers que j'ai armés sont habitués à ce que je commande. Tu comptes trop dans le combat de la liberté. Il faut te sauver. Ta mort ne servirait à rien. Écoute, je pars le premier. Je te laisse 20 louis pour que tu puisses acheter toi-même le cheval de Lavinia et le tien. Il faudrait un cheval en plus pour les provisions. J'irai vous attendre un peu plus loin. Nous partirons 3 ou 4 jours après toi. Le temps de répondre aux questions qu'on me posera à ton sujet, si on m'en pose. Mais où irons-nous? Rapprochons-nous de l'Italie. Est-ce que la maladie est là-bas? On n'en sait rien. De toute façon, montons sur les montagnes. Bon. La route la plus courte est celle qui remonte la vallée de la Durance. Attends-nous à cet endroit. Là, où je mets une croix. Je sais comment tu vas à cheval. Eh bien, même si on te vend une rosse, c'est à 3 jours d'ici. Ça s'appelle Sainte-Colombe d'en bas. Angelo trouva un cheval dans une ferme, à 1 lieue de là. On n'y avait pas l'esprit aux affaires, mais les pièces d'or bien astiquées que montra Angelo plurent beaucoup. Voilà, le trousquin avec le costume de velours et le manteau d'hiver. Et regarde un peu ce que j'ai mis dans le paquet. Un beau petit sabre de la garde nationale. J'ai naturellement chargé tes pistolets, mais je sais que tu aimes mieux les armes froides. Et surtout celles avec lesquelles on peut faire des moulinets. Te voilà servi. On ne sait jamais ce qui vous attend sur les routes, surtout par ces temps. Montre tes bottes. Recta, prête pour la revue. Enfin, dans 10 jours au maximum, nous nous reverrons. Et nous serons de nouveau ensemble. Surtout, passe à travers champs. Si je te perds maintenant, je me brûle la cervelle. C'est juré. Je passerai en plein champ. C'était un beau matin de vent du nord. Angelo entra dans la forêt bleue. Il erra la moitié d'une lieue dans le ravissement le plus angélique, écoutant le vent dans les hêtres et se réjouissant de l'incomparable mêlée de lances d'or dont le soleil transperçait les bois. Son cheval n'était pas trop paysan et prenait également beaucoup de plaisir aux odeurs et aux lumières. Il sortait d'un vallon étroit qu'il avait caressé de menthe très parfumée quand il vit devant lui une grande route chargée de toutes sortes de voitures arrêtées. Un groupe assez important de gens à pied s'amassait tel un petit caillot noir contre une barricade et des képis dont on voyait fort bien les pompons rouges. La plaisanterie commence. Le jeu est de faner, descendant en amateur. Il ne me faut qu'1,50 m de large pour passer. C'est bien le diable si je ne trouve pas ce 1,50 m. Eh, t'as dit à suffisant. On t'a dit et répété de pas approcher en équipage. Si tu veux discuter, va à la route. Il y a un officier. Moi, c'est du plomb. Messieurs. Si la frousse est en armes, la musique va changer de ton. Ce ne sont plus mes forçats de Pérus. Il m'a appelé paysan. Que ferait un paysan à ma place? Irai discuter avec les autres. Allons-y. Je me fous de vos briguettes comme de l'an 40. Je sais comment on fait ces bablards. Ma consigne, c'est halte, et je vous ferai faire halte jusqu'à la Saint-Glinglin. Mais je suis le baron de Rio. Baron, pas baron, je suis comme le choléra, moi. Je ne choisis pas, tous dans le même sac. Si c'est vraiment beau, vous venez, tournez-y. Moi qui ai un cheveu. Eh bien, c'est précisément ce cheveu que nous ne voulons pas. Demi-tour ! Angelo remarqua une jupe verte, courte et ronde, sur des bottes qu'une cravache battait. Tout cela appartenait à un petit feutre Louis XI, jaune soufre, et à une nuque très blanche. C'était une jeune femme qui tourna résolument le dos au colloque et marcha vers un cheval attaché à un arbre. Angelo vit un petit visage en fer de lance, encadré de lourds cheveux noirs. Je la connais. Mais d'où ? La jeune femme s'occupait des sangles d'une selle d'homme qui avait des étriers très courts, et elle souleva une fente qui fit luire le nacre de gros pistolets d'arçon. Ma tête a coupé. C'est la jeune femme qui m'a si courageusement fait duter dans cette maison, où il y avait un grenier extraordinaire. Puis-je vous aider, madame ? Paiement d'un service rendu. Quel service ? Deux bols de thé. Bols ? Oui, deux très grands bols. Des bols à café au lait. Ah, je crois que si vous aviez eu une soupière sous la main, vous m'auriez servi du thé dans une soupière. Ah, j'y suis. Le gentilhomme. Vous avez échappé à la maladie ? Dans une colline. Maintenant, jonché de cadavres. Nous n'étions pas mieux logés dans la colline où j'étais. Que fait-on ici ? Il y a 3 jours qu'on nous empêche de passer dans le département voisin. J'en ai assez quant à moi d'être insulté par un escogriffe qui s'imagine que la mort lui donne barre sur moi. En quoi il se trompe? J'aime encore mieux votre choléra, et j'y retourne. Il est facile de barrer la petite vallée dans laquelle nous sommes, mais il doit y avoir moyen de passer dans les collines là-bas. C'est prévu. Ils ont tellement peur qu'ils sont plutôt portés à surestimer tout le monde. Tout le monde peut-être, mais pas ce qu'il faudrait. Pendant que l'escogriffe plastronnait, j'ai surpris des campagnards en train de se cligner de l'œil. Ils doivent connaître un endroit où il est difficile de mettre des sentinelles. Ils vont y passer un à un. Vous avez l'œil terriblement vif. Vous voulez toujours passer de l'autre côté ? Voilà ce qu'il faut faire. Non, pas les suivre. Laissons-leur les risques. Mais voyons le chemin qu'ils prennent. Nous serons toujours assez grands pour le prendre nous-mêmes si on ne les ramène pas à coups de botte. Ne les perdons pas de vue. Nos gens ont disparu. Il doit y avoir un chemin creux par là. Regardez cette tache rouge. C'est la jupe de la femme qui était là. Ça m'a l'air d'un passage à peine bon pour les piétons. J'aime bien la vie, mais je n'abandonne certainement pas mon cheval pour la sauver. Moi aussi, je me ferais tuer pour mon cheval. Et pourtant, il y a un mois que depuis hier. Mais regardez ce petit pâturage. Juste au-dessus de la forêt. Vous voyez cette tache sombre ? C'est le cheval et le grand paysan en blouse qui, il y a à peine une demi-heure, étaient encore ici, au pied de ce bouleau. L'escogriffe parle beaucoup, mais je n'en voudrais pas pour garder les cuisines. Il ne se rend pas compte qu'il y a maintenant autour de nous 5 charrettes dételées et abandonnées. Rien ne me serait plus agréable que de lui tirer une belle révérence. Tirons-la tout de suite. Nous ne sommes pas plus sots que des campagnards. Votre cheval a beaucoup d'esprit, mais mon lourdeau a du bon sens. Laissez-moi passer devant. Il choisira le meilleur chemin. Vous jouez très bien le jeu. Que voulez-vous dire? Il y a deux façons de fuir les charniers. L'une consiste à demander son chemin à tout le monde. Je ne l'aime pas. Il n'y avait rien à demander. Bon, regardez. Le passage est là, entre les rochers. Et il y a du crottin frais. De vraies pépites d'or. La jeune femme marcha hardiment dans deux ou trois endroits scabreux où l'on risquait de dévaler des éboulis très mouvants. Enfin, ils tournèrent le coin de l'escarpement et, au-delà des contreforts assez houleux et couverts d'épaisses forêts, ils aperçurent dans le lointain une large vallée sans fleuve mais verdoyante et avec une petite ville ronde au milieu de ses prés. La terre promise. Pendant près d'une lieue, ils se fatiguèrent à retenir les chevaux sur un sentier qui serpentait en pente raide, sous des hêtres énormes. La lumière maintenant baissait vite. Ils arrivèrent dans un vallon plein de crépuscules gris. Pendant les deux jours où j'étais arrêtée par la barricade, j'ai entendu dire beaucoup de choses. Notamment que dans tout le pays, les dragons de Valence font des patrouilles. Et ils arrêtent tous ceux qui ne sont pas domiciliés dans le département. Ceci me concerne partout. Je n'ai de domicile nulle part. Soyons prudents. Vous n'habitez pas non plus ce pays ? Non. Je connais les endroits où ils vous mettent dans ces cas-là. Ils les appellent des quarantaines. Aucune envie de retomber dans un attrape-nigaud. Ils descendirent le vallon qui s'ouvrait peu à peu et enfin s'évasa en un lac d'herbe d'une demi-lieue de large, au centre duquel, sous de très hauts sycomores, on voyait les murs blancs et les clochers de ce qui paraissait être une abbaye. Des cavaliers! Ils viennent vers nous. Ce sont des dragons. Laissez-moi faire. À l'encontre de ces foutus cochons! Faites-qu'il! Foutez-lui en dans le pif à celui-là! Galopez droit devant vous. Je vais donner une petite leçon de politesse à ces gens en foutre. Tu vas en avoir! Allez, Luigi! À moi! Sus! Viens ici un peu! Allez! Dégagez! À moi! Laisse-le-moi! Viens ici un peu! Brave Giuseppe. Il est mort? Ça m'étonnerait. Rangez votre pistolet. Il ne mourra pas de celle-là, mais quand il reviendra à lui, il racontera des choses horribles. Filons sous les arbres. Il me semble que nous revenons sur nos pas. Je suis sûr que non. Une demi-heure après, il débouchait en plein champ. La nuit était tombée. Ici non plus, on n'avait pas coupé le blé. Les moissons écroulées couvraient la terre d'une lueur de phosphore. Ils passèrent à côté de fermes silencieuses et noires. Pas beaucoup ces maisons sans lumière. Et encore moins cette odeur. Vous vous êtes servi fort habilement de votre sabre. Il serait beaucoup trop petit pour nous faire entrer dans le bourg. Nous avons aperçu tout à l'heure. Il y a sûrement une garnison. Et on doit y parler aussi d'une femme qui tient à la main de gros pistolets d'arçon. Restons à la lisière des bois. Marchons vers l'ours, plein nord. Nous nous éloignons forcément des soldats. À moins qu'on en ait rempli toute la région. Avez-vous de quoi manger ? Naturellement. Suis-je destiné à être votre sac à provisions ? Pas du tout. Je ne m'embarque pas moi-même sans biscuits quand je peux. D'ailleurs, le plus difficile est surtout de trouver à boire. Avez-vous oublié qu'une de mes vertus est d'avoir du thé ? Et nous ne pourrons pas faire du feu jusqu'à l'aube. Ce pays est noir comme un chaudron. Et avant le milieu de la nuit, il y aura une cinquantaine de fourrageurs à écarquiller les yeux de tous les côtés, dans l'espoir de nous pincer à côté de notre théière. Vous êtes capable de rester toute la nuit sans boire ni manger ? Fort bien, si c'est nécessaire. Ça nous permettrait de nous en sortir sans donner l'impression de fuir comme des pauvres types qui ont réussi un coup par hasard et foutent le camp. À qui croyez-vous donner l'impression ? La nuit est comme de l'encre. Nous sommes à 100 lieues de tout. Les deux dragons ont vu clair dans mon escrime. Ce n'est pas tous les jours qu'on leur fait sauter une latte des mains avec un coupe-chou. Ils ont une envie folle de nous retrouver pour pouvoir rire gras. Nous les intéressons certainement beaucoup plus que le choléra. Nous avons donc été maladroits. Je ne suis jamais adroit quand on m'insulte. Je suis comme vous. Je n'aime pas beaucoup les rires gras. Et j'avoue que je n'en peux plus. Je voudrais bien dormir. Nous allons rester dans ce bois au lever du jour. Mais ne déchargeons pas les chevaux. Vous êtes sûr du vôtre ? Il y a 3 jours qu'il se repose devant la barricade. Je savais que je finirais par faire un coup de tête. Ce n'est pas ainsi que j'appelle ce que nous avons fait. C'est peut-être ainsi que s'appellera ce que nous ferons demain. Nous ferons ce qu'on doit faire. N'importe quoi plutôt que d'attendre bêtement cette mort malpropre. Vous n'imaginez pas comme ces soldats sont bien tombés. La vue des sabres m'a fait plaisir. C'est réconfortant de l'acier clair. Je n'ai pas peur. Je l'ai vu. Et j'ai horreur de vomir. Il n'en est pas question ici. N'y pensez pas. Les soldats sont tombés à pic pour moi aussi. Nous sommes tombés à pic pour les soldats. Nous sommes tous dans la même situation. Tout le monde a horreur de quelque chose. Vous allez bien quelque part ? En principe, oui. Je vais chez ma belle-sœur qui habite dans les montagnes au-dessus de Gap. Mais c'est simplement une idée comme une autre. C'est ma route. Je rentre en Italie. Vous êtes italien ? Ça ne se voit pas. Vous parlez le français sans accent ? J'avoue cependant que lorsque je vous ai surpris dans ma maison, et que vous m'avez surprise d'ailleurs, vous avez parlé une langue assez étrange. Vraiment ? Vous avez dû être interloqué. J'étais inquiet pour vous. C'est ce que j'appelle une langue étrangère. Vous avez eu tout de suite le don de me rassurer. Qui aurait pu vouloir le contraire ? J'avais déjà eu affaire 2 ou 3 fois avec des hommes maigres, mal rasés, le regard fou, et qui parlaient ce qui s'appelle le français. Je les connais. Disons donc que vos soucis et votre habileté au sabre viennent d'un pays que je nomme étrange, et que vous nommez Italie. Écoutez. C'est un oiseau. Il a une drôle de voix. On dirait un chat au printemps. Il s'est posé dans cet arbre. Mais il y en a d'autres qui viennent. Ils ne craignent plus l'homme depuis qu'ils en mangent tant qu'ils veulent. Ceux-ci ont l'air d'aller plus loin encore. Écoutez-les. Est-ce qu'on ne dirait pas qu'ils nous font la cour ? Même une cour pressante. Ils ont beaucoup d'espoir, on dirait. Les chevaux tremblent comme des feuilles. Moi aussi. Vous savez ce qu'ils veulent ? Vous voulez que nous changions de place ? Ça ne servira à rien. C'est une idée que nous emportons avec nous. Non, j'ai la chair de poule, mais c'est à moi de m'en occuper. Le jour va se lever. Je vais faire du feu. Je vais chercher de l'eau. Attendez-moi. Je vous accompagne. Non. Reposez-vous maintenant qu'on y voit un peu. Et gardez les chevaux. J'ai vu plusieurs fermes là-bas. Il y a sûrement un puits, mais ces bosquets peuvent avoir des yeux. J'ai manqué d'initiative. Oh, Giuseppe. Tu as trop confiance en moi. Je crois que tu joues sur la mauvaise carte. En ce qui concerne les combats pour la liberté, je ne suis même pas digne de te tirer les bottes. Sous les feux du peloton, il faut être grossier comme un pain d'orge, sans quoi personne ne tient le coup. Je ne suis pas doué. Avec deux jurons bien placés, cette femme n'aurait plus eu peur, et moi non plus. Si tu veux être quelqu'un, efforce-toi de ne rien comprendre. Alors le courage est facile et fait impression. Toi, tu réfléchis à haute voix. On sait toujours à quel point tu en es. On ne peut pas avoir confiance en toi. La stupidité fait toujours merveille. Ici, en tout cas, rien ne vaut mieux. À notre place, des paysans auraient dormi. En s'approchant des maisons, il s'aperçut qu'elles bourdonnaient comme des ruches. Par les portes et les fenêtres ouvertes, il vit sortir des nuages de mouches. Il savait ce que cela voulait dire. Le spectacle attendu. Mais les cadavres sont vieux d'un mois. Une femme. Le crâne a roulé sous la table. L'homme en tas dans un coin. Sur quoi avez-vous tiré ? Sur l'oiseau. J'avais envie de fermer les yeux. J'ai dû céder 2 secondes et il était sur moi. Je suis ridicule, mais ça n'arrivera plus. Vous avez une marque près de l'œil. Tenez, buvez une gorgée d'alcool. Je vais vous désinfecter. Vous pensez qu'il avait du choléra plein le bec, n'est-ce pas? Vous croyez que la maladie peut se transmettre de cette façon? Foutons le camp. Excusez-moi, je parle mal, mais tant pis. Dans les fermes là-bas, il n'y a que des morts. L'endroit est malsain. Je n'ai même pas cherché de l'eau quand j'ai vu de quoi il s'agissait. Partons. Savez-vous quelle sorte d'oiseau c'était en réalité? Non. Un corbeau. Ce sont des corbeaux qui nous ont fait la cour cette nuit. Et c'est un corbeau qui ce matin est passé aux actes. Et sur lequel j'ai tiré. Bêtement. Pensons à recharger votre pistolet dès que nous serons un peu tranquilles. Mais je n'ai jamais entendu des corbeaux avec des voix de cette sorte. Moi non plus. Quand vous avez été parti, il est devenu extrêmement pressant. Et je dois dire extrêmement gentil. Je n'ai jamais rien entendu de plus horrible que cette chanson endormeuse qu'il m'adressait sans arrêt. Je comprenais tout. Et je me rendais compte que j'acceptais, que j'étais d'accord. C'est seulement au premier coup de bec que j'ai hurlé et sauté sur mes pistolets. Même sa puanteur ne m'a pas écœurée, à vrai dire. N'y pensez plus. Le hussard sur le toit, de Jean Giono. C'était le 10e épisode, avec Bruno de Volder, Angelo, Maya Simon, Pauline, Henri Serre, Giuseppe, ainsi que Jean-Paul Sisyphe, Dominique Tout-le-Monde, Georges Beauvillier et Jean Péméja, avec la voix de Pierre Vanek. Directeur du son, Jean Jusford, assisté de Pascal Bénard. Bruitage, Louis Amiel, assisté de Frédéric Antoine. Adaptation et réalisation, Claude Mourté, assisté de Daniel Finot.